Noël italien par Daniel Le Sueur. Le Noël italien. J'entends encore ses carillons tandis que s'évoque à mes yeux la houle violette des collines de l'Ombrie, enveloppée d'un crépuscule d'hiver et brodée de pourpre par le soleil couchant. Aucun souvenir ne me restitue semblable impression de poignante poésie. Et cependant j'ai connu les Noëls anglais, si délicieux avec les églises décorées de feuillages et la neige des campagnes piquée par la verdure des houx. Mais quand je veux sentir tout ce que le rêve humain peut mettre d'enchantement dans une tradition pieuse, je ressuscite un 25 décembre dans un village italien, entre Pérouse et Assise. Le jour mourait, très doux, car le terrible vent pérugin suspendait son souffle glacial. Je venais de voir la triple basilique de Saint-François toute grésillante de cierges, avec les splendeurs un peu païennes de sa crèche. Je retournais en voiture par les routes assombries, sous un ciel où les reflets d'or ne finissaient pas, tandis que s'allumaient les premières étoiles. Partout, de colline en colline, volaient des soupirs de cloches. Dans un hameau dont je n'ai jamais su le nom, je dis à mon cocher d'arrêter. Je venais d'entrevoir par une porte ouverte un tableau qui me séduisait. Comme j'hésitais sous le seuil rustique, une voix d'enfant me dit « Entre, signora, vedi il nostro bellissimo pangiallo ?» J'entrai. Sous la clarté de ces vieilles lampes de cuivre de forme antique, qui s'haussent ou s'abaissent le long d'une tige, la table de famille était dressée. Au milieu figurait le pangiallo, que m'avait annoncé la fillette, énorme gâteau de Noël. Édifice extraordinaire de pâtes, de sucre glacé, de fruits confits, que connaissent tous ceux qui ont voyagé en Italie à cette époque de l'année. Celui-là était véritablement splendide, et autour de lui, plusieurs générations d'êtres humains l'enveloppaient de regards rayonnants. Beaux yeux veloutés et noirs, si naïvement emplis d'un songe heureux. Grands-parents adultes, jeunes gens, enfants, tous avaient la même expression de félicité calme, d'attendrissement naïf, sous le linge blanc des coiffes plates, sous la laine sombre des bérets, comme sous les admirables chevelures bouclées qui faisaient ressembler les ragazzi à autant de petits Jean-Baptiste. Jamais je n'oublierai l'expression radieuse de ces pauvres paysans ombriens, célébrant si joyeusement la naissance du Sauveur, en portant pour la plupart au cou le fétiche favori de cette région, la pointe de flèche en silex laissée dans leur sol par une humanité lointaine, et où ils croient voir des traits de la foudre. Italie charmante, terre crédule et magique, puissent les prières de tes humbles garder longtemps ton rêve contre les réalités modernes.